Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Écrire l'amour, une série de Virginie Bloch-Lainé réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a un sentiment universel et banal qui est la base de la plupart des récits. Et cette question, comment les écrivains qui s'y attaquent utilisent ou pas ce qu'ils ont vécu, y compris quand ils ont dû mettre un point final à une histoire. Alors, pour commencer, les personnages. Une autrice qui écrit des lettres et des chansons, un auteur qui a aimé 4 femmes, un autre qui a survécu avec légèreté, un romancier et sa rupture, et un autre qui a envoyé son SMS à la mauvaise personne. Ensuite, le décor. Des chansons d'amour, la voix de Bardot, les ennuis qui commencent, le doute, la distance, la qualité devenue un défaut, la liberté, la solitude et des valises. Aujourd'hui, 4e épisode, ça sent le roussi. Je récuse cette idée qu'on puisse écrire une dissertation générale sur l'amour et qu'en réalité, quand on a envie d'écrire à propos de l'amour, c'est toujours Roland Barthes qu'on vise quelqu'un à qui on est lié, plus ou moins consciemment, par un désir amoureux. C'est quelqu'un qui reste, bien sûr, absolument clandestin, dans la plupart des cas. Aime-moi comme je t'aime. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Où ça? Dans la rue. Please. Raconte. Please, please, please. L'amour et les écrivains, Virginie Bloch-Lainé, Clotilde Pivin. La rupture. Les amours perdus. En tout cas, je crois que dans la vie, de toute façon, l'amour naît toujours d'un malentendu, au moins d'un décalage. Agnès Mathieu Daudet. Et que c'est sur ce décalage que se construisent les histoires. Alors parfois, les gens tiennent 40, 50 ans, 60 ans avec ce décalage, ce malentendu. Et puis il y a un jour où tout d'un coup, c'est plus supportable. Le malentendu éclate au grand jour et je trouve que la violence des ruptures est souvent à l'aune de ce malentendu. Et je pense qu'il y a beaucoup de livres qui se sont effectivement écrits pour parler de ce décalage, donc entre deux conceptions de l'amour, entre les personnages. Voilà, c'est cette faille. Finalement, les grandes histoires d'amour de la littérature sont des histoires d'échecs amoureux. Enfin, après, je peux parler aussi des choses que je trouve réussies, parce que je crois que c'est beaucoup plus dur de parler de l'amour réussi. Et ces grandes histoires, je pense à des choses, moi, qui m'ont marqué par ces histoires, je pense à L'Idiot par exemple. Dans L'Idiot, le personnage du Presnichkin est un personnage dont on sent dès le début que ça ne va pas aller, ça ne va pas pouvoir marcher. Et en même temps, on suit ses élans amoureux et leurs échecs successifs. Je suis triste et je m'ennuie. Toi, tu me caches quelque chose. C'est fini avec Guillaume. Ça ne pouvait pas durer. Oh, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai jamais aimé ce type-là. Et tu sais à quoi je pense? Oui, à l'homme de ta vie. Comment as-tu deviné? Mais mon petit chou, c'est simple. Tu as toujours cet air-là lorsque tu penses à l'homme de ta vie. Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois. On fait juste tous l'expérience que c'est quand même toujours la question qui se pose. Est-ce qu'il m'aime autant que je l'aime? Est-ce que je l'aime autant qu'il m'aime? Et surtout, est-ce que notre désir est accordé ou décalé? Nathalie Azoulay. Et je trouve que c'est... Enfin, pour moi, ça a toujours été la question cruciale, hein, la réciprocité. Donc, c'est finalement comme une espèce de théorie mathématique qu'il faut toujours prouver, en fait, démontrer. et qui est par moments très enthousiasmante et très satisfaisante parce qu'il y a une adhésion, il y a un point de rencontre et une jonction comme ça. Et puis il y a des moments où, et c'est la plupart des moments parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas accordés comme des instruments. Et donc la plupart des autres moments sont ceux du désaccord et de la discordance et du décalage. Et donc le désir de l'un ne répond pas exactement à l'instant T au désir de l'autre. Et il suffit que ce soit l'instant T plus un et c'est un drame en fait. Pepa, cariño, no quiero oírte nunca decir soy infeliz. Tu Iván. C'est très bien que le coup de foudre existe. Patrick Lapeyre. Mais je m'en méfie terriblement. D'abord parce que c'est un cliché cinématographique et littéraire, disons. Et donc, ce n'est pas vraiment le coup de foudre qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette relation où un homme et une femme se parlent, sont amenés à se connaître parce que, bon, par les hasards d'une relation sociale quelconque, amis d'amis, soirée, enfin tout ce qu'on veut. Ils sont amenés à se fréquenter et sans qu'ils s'en rendent compte, parce que c'est ça que je veux, quelque chose s'installe en eux, ou du moins s'installe chez un des deux, une espèce de préoccupation, et il faudra attendre la deuxième ou la troisième ou la quatrième rencontre pour que le personnage comprenne ce qui est en train de se passer en lui. C'est tellement fatigant cette question de la réciprocité et du désir décalé parce qu'on subit des déconvenues très fréquentes, qu'on a inventé le mariage. Alors on a inventé le mariage pour des questions patrimoniales, etc. et sociales, mais on a aussi inventé le mariage pour que les hommes et les femmes se reposent et puissent faire autre chose de leur vie que d'aimer et d'être aimé et de ne pas être aimé et de ne pas aimer et de s'inquiéter de l'amour de l'autre ou de... Voilà. Donc, et c'est vrai que cette formule, cette clausule du conte de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, bon, ça désigne évidemment le mariage, mais ça désigne aussi, je dirais, la sortie de crise. C'est-à-dire que, on sort de la question de est-ce que ça va être possible, est-ce qu'on va y arriver. Donc, mais c'est ça, le conte de fées raconte que ça quand même. Donc, c'est-à-dire une série d'épreuves. Et donc, c'est la sortie de crise, c'est on va pouvoir passer à autre chose. Parce qu'il est aussi très intéressant dans la vie de faire d'autres choses que d'aimer. Donc cette formule, pour moi, elle m'a toujours indiqué le chemin, je sais pas, du travail, de la construction, de l'œuvre. Oui, voilà, de toutes les autres activités humaines qui sont passionnantes à vivre et qui sont pas uniquement, qui sont pas uniquement la question amoureuse. Même si elle est toujours, bonne à prendre parce qu'elle apporte beaucoup de choses, mais elle enlève aussi beaucoup de choses. Donc, de l'énergie. Ouais, elle enlève beaucoup d'énergie, elle enlève beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance. Et je me souviens qu'il y avait un titre d'un roman que je n'ai pas lu, mais qui s'appelait L'amour est très surestimé. Que je n'ai pas lu, je ne sais pas si ça parlait de ça, de cette surestimation légendaire, mais je dirais que c'est aussi un point de vue intéressant. Je crois que c'était Brigitte Giraud qui l'avait écrit. Le sentiment amoureux, enfin en tous les cas, l'état amoureux aussi, il est Grégoire Bouillet. Composé d'énormément de choses très obscures, et par exemple la loi de l'espèce. C'est-à-dire que nous sommes agis aussi par des lois biologiques qui sont que Nous avons une espèce de puissance sexuelle qui n'est pas dédiée à la personne, mais qui est dédiée à la reproduction de l'espèce, à la survie de l'espèce, et les lois de l'évolution et tout ça. Donc on croit désirer quelqu'un, mais en fait, peut-être que dans le désir que l'on a pour quelqu'un, il y a aussi la simple volonté de l'espèce de se reproduire elle-même, et qu'on est agi aussi par ça. Peut-être qu'on aime vraiment à partir de, je sais pas, 50 ans, ou quand on est libéré, en tous les cas, de ce diktat de l'espèce qui fait que, de toute façon, il faut se reproduire, donc il faut aller baiser, et nous, on enrobe ça, peut-être aussi, d'un sentiment amoureux, qui n'est peut-être qu'un alibi pour que l'espèce fasse son travail à travers les individus. Le temps, non, moi, j'ai vraiment pas de recette, et moi, ça n'a jamais duré au-delà de quelques années. On sait que le regard, mais moi je le sens déjà à 40 ans, enfin le regard change, le regard des hommes sur les femmes, qui est ce premier regard, ce regard dans la rue, ce regard dont on se plaint parfois, mais dont on se rend compte quand il n'arrive plus, qu'on y est cruellement habitué et attaché, parce qu'on s'est construit aussi avec ces regards depuis qu'on est jeune fille, avec ce retour masculin. Il faut apprendre à vivre sans ce regard dans la rue. On gagne autre chose, je crois, et c'est, enfin, en tout cas, moi, je me dis, voilà, c'est maintenant qu'il faut construire tout. Enfin, je me rends compte que j'ai construit aussi tout le reste, c'est-à-dire que les relations amoureuses, elles vont nécessairement être ailleurs que dans cette impression fugace dans la rue. Après, oui, je crois pas qu'on remplace. Mais c'est ce que je dis sur la polysémie du sentiment amoureux aussi, et sa polymorphie finalement qui se retrouve dans les livres. C'est-à-dire que, oui, un homme va continuer à regarder une fille de 20 ans qui passe dans la rue. Voilà, c'est pas là que je vais me placer. Est-ce qu'un énorme chagrin d'amour, ça ne décourage pas d'histoires futures ? Un chagrin d'amour dévastateur. Je crois que les chagrins d'amour sont par nature dévastateurs, mais en même temps, c'est un peu une vengeance, un chagrin d'amour, contre la personne qui a interrompu cet amour. Régis Geoffrey. Je pense que c'est une façon de se venger sur soi, finalement. C'est-à-dire que ce serait un spectacle qu'on voudrait que l'autre voit. Évidemment, il ne le voit pas, parce qu'évidemment, il n'est plus intéressé. Finalement, est-ce que quand une histoire d'amour s'arrête, c'est pas parce que les deux personnes s'arrêtent d'aimer ou se sont arrêtées de s'aimer? Simplement, peut-être qu'il y en a un qui prend la responsabilité de dire que c'est terminé, mais peut-être que l'histoire elle est déjà terminée avant. C'est une question à se poser. De toute façon, quand on parle de chagrin, on peut pas en dire grand-chose. Un chagrin, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. Je pense que les plus grands chagrins sont très difficiles à exprimer. Je pense que des années après, peut-être, on peut peut-être exprimer les choses, mais je crois que c'est plutôt, on peut arriver à s'exprimer comme un peu par des signaux de fumée, comme moi quand j'étais enfant dans les westerns, on voyait les Indiens qui communiquaient par des signaux de fumée, au sens où on peut communiquer par le fait que les autres ont connu ces sentiments-là. Donc, en disant un seul mot ou une seule phrase, les autres peuvent comprendre, parce que ça va faire réagir ce qu'ils ont en eux, la souffrance qu'ils ont éprouvée eux-mêmes. Mais je pense que peut-être c'est aussi difficile d'expliquer la douleur d'un chagrin d'amour que la jouissance sexuelle. Comment exprimer un orgasme, c'est très très difficile, sinon qu'on peut en parler à quelqu'un d'autre parce qu'il en a connu un. Donc il peut avoir une idée de celui qu'on a pu connaître. Et je pense que le chagrin, d'une façon générale, c'est ça. C'est parce que ça peut faire... ça correspond à un chagrin que l'autre a éprouvé. Et le chagrin, c'est le chagrin. Il n'y a pas le... À mon sens, il n'y a pas le chagrin d'amour. Si on perd un être cher, c'est un chagrin, de la même façon. Simplement, le chagrin d'amour aurait cette perversion, peut-être, qu'en réalité, c'est un... Peut-être que ce chagrin, c'est une sorte de violence en même temps. C'est une violence, c'est-à-dire c'est de refuser à l'autre sa liberté définitivement. C'est-à-dire lui dire, tu ne veux plus de moi, mais je suis quand même là. Et regarde mon chagrin. Je t'ai toujours en moi et je t'ai sous forme d'assassin, finalement. Sous forme de bourreau, tu me tues. Donc tu es là et donc je te tiens. C'est encore là peut-être un jeu de possession, quoi. C'est celui qui a été laissé tomber, celui qui a été abandonné, qui continue à posséder l'autre en faisant la personne qui le fait souffrir. Il y en a qui le disent en riant, moi je vais te le dire en chantant. Entre toi et moi c'est fini, entre toi et moi c'est la nuit. Je n'éprouve plus rien, tu ne me prouves rien. Ce n'est pas la trêve, ce n'est pas la grève, c'est la fin d'un rêve, oui d'un rêve. Il y en a qui le disent en criant, moi je vais te le dire en chantant. Entre toi et moi c'est fini, entre toi et moi c'est la nuit. Et on a cette habitude un peu vertueuse de dire qu'on souhaite à celui qu'on aime le meilleur, mais c'est totalement faux, ça c'est des histoires qu'on nous a racontées pour nous apaiser, mais en fait on lui souhaite le pire. On lui souhaite toujours le pire. Et ce sont ces vers d'Andromaque où on dit « Peut-on haïr sans cesse ? Punit-on toujours ?» Oui, bien sûr. Bien sûr, on punit toujours et on hait sans cesse. Parce que le manque de réciprocité, l'absence de réciprocité vous rend cruel et vous rend violent. La haine et l'agressivité, elles peuvent être là même lorsque l'amour n'est pas terminé. C'est parce que l'amour n'est pas terminé qu'il y a violence. Si l'amour se termine, alors on est tranquille. Et on ne peut souffrir que de ce dont parle si bien Proust, à savoir, non pas que l'autre ne vous aime plus, mais que vous ne souffriez plus qu'il ne vous aime plus. Donc c'est la seule souffrance qui vous reste. Mais cette violence et cette agressivité, c'est évidemment pendant l'amour. C'est pendant qu'il est encore très fort. Je crois que votre grand-mère s'impatiente. Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère, hein, petite fripouille? Comment, monsieur? Je l'adore. Ah, oui. Monsieur, vous êtes encore jeune. Vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendu. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd. Et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur votre costume de bain. Vous avez lu Ada Oulharder de Nabokov? Oui, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. C'est marrant que vous me parliez de ça. Oui, ouais, bien sûr. Mais je ne l'ai pas du tout relu pour l'amour. En fait, je crois que récemment, l'amour ne m'intéressait pas. Et d'ailleurs, je vous dirais que même j'ai relu La recherche du temps, à La recherche du temps perdu cet été et que j'ai beaucoup sauté les passages sur l'amour. Je crois qu'il y a des âges où ça vous intéresse plus ou moins. Alors peut-être c'est un signe d'extrême maturité et que je devrais m'en inquiéter, mais je crois que c'est des périodes juste. Et par exemple, Ada, je l'ai lu récemment, mais je l'ai lu surtout pour l'enfance, pour la façon dont l'enfance est racontée, montrée, et le corps de l'enfant en particulier, plus que pour l'histoire d'amour. Qu'est-ce que vous aimez, Mathieu Berman, comme roman dans lequel il y a des histoires d'amour ? J'allais dire tout. Enfin, quand on se dit, tiens, en tant que lecteur, que ça nous ramène à notre propre histoire d'amour, peut-être, et que ça nous permet de mieux la comprendre, de mieux s'identifier, de mieux, et de nous aider à la vivre, en quelque sorte, l'histoire d'amour. Mais donc oui, j'aime les romans d'amour, mais c'est vrai que je pourrais pas dire précisément pourquoi. Enfin, si ce n'est peut-être que ça nous aide à vivre ces histoires d'amour. Mais vous parliez des romans, mais je pense qu'aussi une grande inspiration pour vivre les histoires d'amour et peut-être pour en écrire, je pense peut-être plus aux chansons, par exemple, à la poésie. Mais je crois que les chansons nous accompagnent beaucoup plus dans notre vie de tous les jours que les romans. On peut lire un roman, on va l'adorer, etc. Puis après, on le range dans notre bibliothèque, même s'il continue peut-être à vivre en nous, on espère. Mais je crois que les chansons nous accompagnent au jour le jour, parce que des chansons, on peut les écouter 10 fois par jour. Et elles nous accompagnent, puisque aussi elles nous accompagnent dans des moments de la rencontre amoureuse. Telle chanson va nous faire penser à telle rencontre, à tel moment d'une histoire, pas forcément une rencontre hein, d'ailleurs. Mais... Donc les chansons à texte, qu'on appellerait les chansons à texte, comme Barbara, par exemple, Brel, mais aussi les chansons, je crois, de variété. Plus le texte est quelque part lisse, enfin, plus on peut se projeter dessus, et telle phrase, tout d'un coup, tel vers d'une chanson va nous faire résonner, enfin, va résonner en nous, et va nous aider peut-être à vivre l'histoire qu'on a à vivre avec les personnes qu'on aime, je crois. They're writing songs of love, but not for me. Alfred de Musset, à Mademoiselle. Oui, femme, quoi qu'on puisse dire, vous avez le fatal pouvoir de nous jeter par un sourire dans l'ivresse ou le désespoir. Oui, deux mots, le silence même, un regard distrait ou moqueur, peuvent donner à qui vous aime un coup de poignard dans le cœur. Oui, votre orgueil doit être immense, car grâce à notre lâcheté, rien n'égale votre puissance, sinon votre fragilité. Mais toute puissance sur terre meurt quand l'abus en est trop grand, et qui sait souffrir et se taire, s'éloigne de vous en pleurant. Quel que soit le mal qu'il endure, son triste rôle est le plus beau. J'aime encore mieux notre torture que votre métier de bourreau. C'était quoi votre question ? Et le chagrin d'amour ? Est-ce que ça peut faire du bien de lire un chagrin d'amour pour faire passer son propre chagrin d'amour ? Non mais vous vous rendez compte, vous ne posez que des questions de sens. Ah là là, il faut rassembler toute une vie pour répondre à ça. Est-ce que lire un chagrin, ça aide à supporter le sien ? Bah, déjà, il faut considérer que c'est une chance d'avoir un chagrin d'amour. Il faut le prendre comme un bienfait, parce que c'est signe qu'on est amoureux déjà. Et qu'il y a quelque chose à résoudre. De l'autre et de soi-même, quoi. Et en même temps, j'ai toujours cette phrase qui est... c'est Monterland, je crois. En gros, c'est... Vive qui m'abandonne, il me remet à moi-même, quelque chose comme ça. Donc... Enfin bon, c'est à peu près ça, mais... Mais il y a de ça quand même, quoi. C'est une opportunité magnifique, Le chagrin d'amour, c'est l'éventualité de renaître, de recommencer. Parce que vous ne savez pas à quel point le simple fait de... Enfin, si vous le savez sans doute, mais de déménager, ou de changer de pièce, enfin, ou de changer quelque chose de son dispositif de vie, régénère, quoi, ou en tout cas se transforme. C'est affolant, hein, donc, par rapport à ceux qui se séparent, ou qui sont sur le point, il y a un déchirement atroce après. Mais il y a quand même une promesse forte, et c'est une revie. Bon. J'ai l'air de positiver d'une façon un peu comme ça. Non, mais je le vois de façon positive. Soit parce qu'il témoigne d'un amour qu'elle a encore, donc il y a quelque chose à en faire. Soit parce qu'il me promet de vivre autre chose. Donc dans les deux cas, c'est presque pas malheureux, quoi. Dans quel état met un chagrin d'amour, Mathieu Berman ? Eh bien, pas très bien. On n'est pas très bien quand on est dans un chagrin d'amour, même si, d'une certaine manière, je crois qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans le chagrin d'amour. Il faut le vivre, mais il faut prendre ses distances avec aussi, peut-être essayer de se raisonner. Je crois que le problème des chagrins d'amour, c'est quand il reste un peu d'espoir. Quand on n'a plus d'espoir, bon, bah, c'est difficile, mais la page, on la tourne peut-être plus facilement. Mais quand on se dit qu'il y a peut-être quelque chose... Et pour ma part, je crois que je suis assez optimiste, donc je reste rarement dans cette phase de chagrin d'abattement, et plus dans une peut-être dans un esprit de reconquête ou d'optimisme et d'espoir, à tort ou à raison. Donc le chagrin, je ne sais pas, disons que je n'ai pas l'impression d'y rester longtemps, d'une certaine manière. Mais peut-être que ça viendra, malheureusement, j'en sais rien. Mais heureusement, j'ai l'impression que j'y reste pas tant que ça. You're only 5 minutes late, but I get so frightened. I become convinced I'm never going to see you. My angel. Is it like that for you too? Yes. At this moment, for example, I'm quite convinced I'm never going to see you again. What? I'm so bored, you see. It's beyond my control. Well, after all, it's been 4 months. So what I said, it's beyond my control. Do you mean you don't love me anymore? My love had great difficulty outlasting your virtue. It's beyond my control. It's that woman, isn't it? You're quite right. I have been deceiving you with Emily, among others. It's beyond my control. It's like your fidelity, a fact of life, no more nor less irritating, certainly beyond my control. Stop it! Grégoire Bouillet, est-ce qu'on se remet d'un gros chagrin d'amour? Est-ce qu'on s'en remet toujours? Est-ce que c'est vrai que le chagrin d'amour passe? C'est ce qu'on dit aux... C'est ce qu'on entend lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on est jeune adulte? Bah oui, oui. Oui, on s'en remet. On s'en remet, mais on garde des traces, des cicatrices, des enseignements. Enfin, après, il y a des histoires de tempérament. Enfin, qui est que il y a une approbation de la vie aussi. Il y a une, enfin, tant qu'on n'est pas mort, on peut encore. Et même, évidemment, si on pense que plus jamais on aimera, en fait, et c'est vrai, plus jamais on aimera de la façon dont on a aimé la personne. Ça, une fois qu'on a rencontré quelqu'un et qu'on l'a aimé dans une espèce de totalité qui était la sienne à ce moment-là, ce type d'amour-là ne se... Enfin, moi, j'ai aimé, quatre femmes dans ma vie, je crois pouvoir dire... Vous avez quel âge ? 57. Je crois pouvoir dire que je n'en ai pas aimé une seule de la même façon, c'est-à-dire que tous ces amours ont été uniques à leur façon, dans une énergie qui n'appartenait qu'à moi, qu'à l'autre, et à qui j'étais à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour qui empiète sur l'autre. parce qu'en fait ils sont tous uniques et précieux dans leur genre, avec ce qu'ils ont pu avoir de sublime et puis de catastrophique et de minable aussi, enfin voilà, mais c'était c'est toujours unique, c'est toujours une première fois, enfin quand on aime amoureux, quand on tombe amoureux, il y a quelque chose d'assez miraculeux, c'est que c'est toujours une première. Voilà, même si on a pu aimer avant, mais les autres amours sont défuntes, et c'est toujours une première fois. Et même si on sait que c'est faux, c'est quand même une première fois. Et ça, c'est génial, c'est juste génial. Il y a une attraction physique, quasi-physique, électrochimique, et ça, c'est une des choses les plus extraordinaires, que, à la limite, la littérature ne peut que l'évoquer de manière métaphorique en parlant d'attraction physico-chimique. Mais on ne peut pas évidemment l'expliquer, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui tient du fluide, de l'attraction physique quasiment à fleur de peau entre deux individus. On prend la main, on pose la main sur le bras d'une personne et tout à coup il y a une sensation très particulière qu'on n'a pas eue ou qu'on n'avait jamais eue ou qu'on n'a pas eue depuis des années, et là on est dans cette attraction physique qui peut déboucher sur le meilleur et sur le pire aussi, au sens où l'attraction physique ne garantit pas qu'on va s'aimer. T'as une petite mine, toi. Oh, le gars d'une lenteur. T'as pris ton ex? Je dois tout faire. On a trois gros impayés. Bon, écoute, arrête de me tripoter les ganglions tout le temps, c'est agaçant à la fin, écoute. Tu vas me dire que c'est pas le moment? Non, mais on en a déjà parlé, il faut maintenant... Bon, mais alors il faut que ce soit plus clair. Puis en même temps, si c'est plus clair, moi je le supporte pas. Rien que le mot rupture, je peux pas l'entendre, je le déteste. Si tu savais comme je le hais. Je ne suis pas une héroïne. Être deux, cela enchantait les actions les plus ordinaires du quotidien. Boucler ensemble nos valises, nous engouffrer ensemble dans un Uber afin de nous rendre au terminal des ferries en partant pour l'île du Sud, acheter ensemble au guichet nos deux billets de la traversée, puis lire ensemble, enlacés, les gros titres du journal local dans la salle d'attente, sans autre impatience que celle de se retrouver de nouveau dans une chambre l'un et l'autre. Je me sentais si vivante, si sensible aux moindres détails, qu'il n'y avait plus de voyage à proprement parler. C'est chaque instant qui devenait une destination en soi. J'ai profité de l'absence d'Adrien, qui était parti aux toilettes, pour prendre un snap de nos deux valises posées l'une contre l'autre sur le sol de cette salle d'attente, avec derrière la grande baie vitrée, la masse bleue et blanche du ferry prête à partir pour Picton. J'avais trouvé le titre de cette photo que je ne posterai pas, que je garderai pour moi toute seule, comme on tait un vœu de peur qu'il ne se réalise. Mon port d'attache. À son retour des toilettes, j'ai failli lui dire qu'il m'avait manqué. Je me suis abstenue pour qu'il ne pense pas que j'exagérais peut-être un peu. On ne peut pas se permettre d'avouer à l'autre jusqu'à quel point on l'aime lorsqu'on est amoureuse. Est-ce que vous êtes bon, Nicolas Fang, pour raconter une rupture ? Oui, alors j'en ai raconté une dans un livre qui est celui qui m'a valu mon plus grand succès, en fait, qui est l'histoire d'une rupture, en fait. D'une rencontre et d'une rupture, puisque l'un... Pardon ? De votre... Oui, c'est un livre autobiographique. Je pense que j'ai su en parler parce que je disais la vérité, en fait, de ce que je vivais. J'avais trouvé les mots, et là, c'était viscéral. C'était pas du tout intellectualisé, hein, c'est d'ailleurs un de mes seuls livres qui n'est pas passé par le prisme de la satire. Donc les mots étaient justes, donc je pense avoir su décrire une rupture. Le reste, les ruptures que je décris sont toujours décrites sous l'angle du sarcasme dans les livres que j'ai pu faire par la suite. J'aime moins, parce que l'idéal étant quand même d'écrire un livre de chair et de sang, et non pas uniquement de matière grise, avec tout ce que le mot gris peut sous-entendre de tristounet. Disons que je sais peut-être les mettre en scène, mais pas forcément les décrire. Voilà, C'est une réponse. Ça serait, je la mettrais en scène, mais il manquerait peut-être l'émotion. C'est difficile d'écrire l'émotion. Moi, je sais que c'est, j'en rêve de pouvoir le faire, mais c'est difficile. Et une rupture, c'est un concentré d'émotions. C'est une éruption d'émotions. Je pense, par exemple, à ce livre de Jean Echenoz qui s'appelle « Je m'en vais », qui commence par une rupture. Echenoz décrit la rupture par des choses super, tellement vraies, mais qui ne sont pas de l'émotion. Il décrit un regard qui s'égare sur une prise électrique et un pare-brise qui se tait sous la pluie. Je trouve ça très beau. On est dans la subjectivité du personnage qui est en train de rompre, mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a que des mots. Alors je pense que quand on ne sait pas décrire l'émotion, on peut s'en tirer par des descriptions intelligentes. Voilà, j'essaye de m'inscrire dans cette famille-là. Je sais plus où on en est, je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si ça restait comme ça quelque temps? Pourtant, de s'habituer, de faire sans douceur. J'imagine bien que je ne m'en vais pas mieux, moi, que ça se passe en douceur. Très doucement, mais au bout d'un moment... Le temps que quelque chose se dénoue. Je t'abandonnerai jamais. Je t'abandonnerai jamais. Tu es tellement là, comment dire? Reste avec moi. Reste avec moi. C'est ce que je fais. Et en même temps, non, j'ai d'autres aspirations. Tu peux pas faire comme si je t'avais rien dit. Mais alors en douceur. En douceur, s'il te plaît. Oui. Tu restes un peu ici, tant que je m'habitue, petit à petit. Oui. On va faire ça. On va inventer ça, tout en douceur. Une rupture tellement lente et douce que... On défait un petit nœud chaque jour. On démêle la pelote. Et puis un jour, on se rend compte que ça y est, on est séparés, ça s'est fait tout seul. Voilà. Si ça pouvait être comme ça, alors là... Bon, alors concrètement, on fait quoi? On fait comment? On commence par quoi? On prend plus le petit déjeuner ensemble. Non, mais écoute, c'est possible. Hein. Il faut du temps, il faut beaucoup de tact, de générosité. Et il faut de l'amour aussi. Même si on a été broyé par une histoire d'amour, on repart et on a la foi en l'avenir. L'amour est devenu tellement important que si on disait « je n'aimerai plus jamais parce que j'ai eu une amour », l'amour est devenu tellement une chose importante que si quelqu'un se disait « je n'aimerai plus jamais personne parce que j'ai eu une amour, une histoire d'amour désastreuse », ça reviendrait à rejeter la vie. Parce que c'est quelque chose qui est maintenant intimement lié au fait même d'exister, d'être au monde. Donc se dire « on n'aimera plus », finalement, c'est comme se dire « je vais me tirer une balle dans la tête ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu la trame même de notre vie, de notre quotidien, le fait d'aimer ou de ne pas aimer ou de ne pas être aimé. Mais tout le monde pense qu'il doit être aimé et qu'il doit aimer. Autrement, on n'est pas quelqu'un qui est normal d'en être. Autrement, on n'est pas quelqu'un de normal dans notre société. Je le crois. Notre façon à nous de vivre nos histoires d'amour. Personne ne pourra rien faire pour nous. On sera seul face à nos décisions. Et seul face à l'autre. C'est la nécessité, si vous voulez. C'est la grande tentation du romancier, du dramaturge, de peindre... François Mauriac. De peindre l'amour malheureux. L'amour heureux n'a pas d'histoire. Ça n'explique pas tout, naturellement. Je veux dire que il ne faut pas tout de même perdre de vue cette chose très simple... que le romancier, que le dramaturge va tout droit à l'amour malheureux, parce que c'est l'amour malheureux qui lui fournit son drame, n'est-ce pas? Maintenant, ceci dit, il est très certain que moi, personnellement, j'ai été toujours très attiré par tout ce que nous avons dit, d'ailleurs, déjà dans nos précédents entretiens, par le désert de l'amour, c'est-à-dire par la solitude dans l'amour, par l'impossibilité d'atteindre l'autre, comme dirait Sartre, de le posséder en tant qu'il est un autre. Et c'est ce drame, naturellement, que j'ai décrit et que j'ai repris dans toute espèce d'histoire plus ou moins imaginée et inventée, que je n'ai presque jamais pris au réel, d'ailleurs. Mais enfin, c'est toujours à cela que je reviens, n'est-ce pas? Au désert de l'amour. Au désert dans l'amour. Dans la chambre à coups, tout tirer, apprendre à danser sans tomber. Parle paradoxalement, l'amour est un grand moment de solitude, souvent. Parce que, d'abord, l'amour en solitaire. Je veux dire, si je suis amoureux, je ne fréquente plus mes amis, par exemple. Je deviens solitaire par amour. Ça, c'est la perfection de l'amour. Et c'est son risque social aussi. Mais l'amour, c'est aussi des moments de solitude, où justement, je ne comprends plus l'autre. Et où, pour des tas de raisons, est-ce que je me comprends à moi-même? Est-ce que je sais où je vais dans cette histoire? Enfin, bon, voilà, c'est ce que j'appelle des moments de solitude. Il faut essayer de capter à l'intérieur de l'amour notre part solitaire, cette solitude qui nous aspire d'un seul coup. Elle ne nous inspire pas, mais elle nous aspire. Et c'est d'où l'impression de panique. On vit en couple depuis des années, et tout à coup, on se sent incroyablement seul. Pas parce qu'elle nous trompe, forcément, hein, mais parce que, à l'intérieur de la chimie amoureuse, il y a des moments qui nous ramènent au pied du mur, je veux dire. On se sent très très seul. Et on voudrait en parler, mais on ne peut pas. On sait très bien qu'on ne peut pas en parler. L'amour, c'est le secret, par définition. Si on bavarde, si on raconte ses amours à ses copines ou à ses copains, c'est plus ça. Ça m'intéresse plus. Ça devient du bavardage, et puis ça prend un tour souvent assez superficiel. J'avais rêvé à 30 balais, tout est foutu, tu coules dans un malheur goulu, et ta maison est un taudis où tu pleures. Tu t'écroules et tu cries. Aucun besoin de vivre ça avec quelqu'un. Seul on n'est rien, on n'est rien. Ah, ça y est, j'ai sursauté. J'ai cauchemardé. Mais où se trouve la vérité entre ces deux réalités? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a de la joie dans le célibat. Si c'est un choix. Depuis que le mail, en fait, moi, mon premier roman était publié en 2000, l'email était déjà bien installé, j'utilise ça, et pas parce que je veux être absolument moderne, mais parce que ça fait partie de ma vie, et que ça fait partie de la vie de tout le monde, et que beaucoup de choses très importantes passent par... Moi, je sais que mon mariage s'est terminé sur une erreur d'envoi de SMS. 10 ans de mariage. C'est pour ça que c'est pas rien de toutes ces choses-là. Il faut pas les sous-estimer. Ça change la temporalité aussi. Aujourd'hui, vous n'attendez plus de rentrer chez vous pour voir si vous avez un message sur votre répondeur. C'est immédiatement que vous savez si oui ou non. Alors, on pourrait romantiser cette attente en disant... Oh là là, on a tellement tout cuit maintenant que... Mais non, je trouve que ça n'enlève rien. C'est juste que c'est plus rapide. Mais les sentiments restent les mêmes. J'ai pas l'impression qu'on aime moins aujourd'hui qu'avant, ou qu'on aime plus mal qu'avant, ou qu'il y a encore plus de malentendus qu'avant. Moi, je n'en vis pas forcément cette époque où on écrivait une lettre de Saint-Pierre et Miquelon et qu'elle arrivait à Paris 2 mois plus tard. Il avait pu se passer tellement de choses entre-temps. Alors, on a tendance à vous dire qu'est-ce que c'était beau. Alors, vous aviez le cachet, le truc. Oui, alors peut-être, mais on était peut-être encore beaucoup plus dans la solitude de l'amour. Quand même, c'est en lisant qu'on... À moins d'avoir des relations toujours très approfondies avec tout le monde, mais... C'est en lisant qu'on va au cœur de l'intime et qu'on perçoit les êtres dans leur mécanique la plus profonde. Voilà. Et puis, bon, mais aussi, on est... Enfin, moi, je suis... curieux des autres, ou attentif, enfin curieux, curieux mais au sens péjoratif, c'est-à-dire je suis curieux quoi, c'est-à-dire pourquoi le voisin d'en face n'est pas rentré, qu'est-ce qui fait quand il rentre, donc les vies, moi je les observe, et puis après on a soi-même son expérience, Et c'est aussi l'intérêt d'avoir, pour ma part, eu plusieurs vies avant d'écrire, et d'avoir pu envisager le monde depuis plusieurs points de vue, et pas uniquement celui qui est le mien aujourd'hui. Donc, j'ai peut-être une plus grande facilité à endosser certains rôles dans la mesure où je les ai vécus, c'est-à-dire aussi bien, enfin bon, au travers des métiers que j'ai pu faire, et puis de mes positions, ma situation. Qu'est-ce que vous avez fait comme autre métier, sergent quoi ? Oh, mais ça, c'est pas mal. Ben, le corps, alors moi j'ai été maître nageur longtemps, je suis surveillant de baignade, mais dès que j'étais adolescent, parce que je faisais de la natation, donc là c'était être immergé au milieu des autres, et quasi nu, donc là pour le coup, j'ai bossé dans les transports, j'ai bossé dans la pub, j'ai bossé dans la mode, j'ai bossé dans la restauration, les bars, les boîtes de nuit. Voilà, écrire, je voulais écrire, et puis finalement, moi, je voulais monter un commerce de vélo à la fin des années 80, milieu des années 90. Je sentais que tout le monde se mettait au vélo. Le banquier ne m'a pas prêté d'argent, donc il dit, moi, je vais recommencer à écrire, et puis voilà. Donc, sinon, je serais dans le vélo. Mais bon, j'écrivais quand même. J'écrivais pensant que tout ce que je vivais pouvait être intéressant, et puis finalement, à force de déménager, j'ai perdu tous les... Puis c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, tous les... Et puis ce qui peut exister sous forme de disquette 3 pouces n'est même plus lisible, quoi. Enfin bon, il y a une forme d'archéologie oubliée, là. Mais c'est pas grave, parce que... Quand vous avez sorti quelqu'un de l'eau qui est en train de se noyer, il reste une sensation. A lucky, lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool. Mathieu Berman, est-ce que ça peut être agréable de ne pas être amoureux ? Je ne sais pas. je ne sais pas, je crois que c'est Colette qui dit que dans La naissance du jour, qu'elle a découvert qu'une fois sortie de l'amour et de l'amour maternel, on se rend compte que la vie est très riche. Mais elle dit ça quand elle a, je ne sais pas, 50, 60 ans. Donc, est-ce que c'est souhaitable de vivre ainsi ? Je sais pas. Je crois que, enfin, c'est peut-être un apaisement, mais il faut trouver dans ces cas-là d'autres sources de désir. L'important, c'est de désirer, quelle que soit la source ou la cible de ce désir. Je crois que pour vivre, on a besoin de désirer. Il y a une liberté. C'est une liberté géniale de ne surtout pas être amoureux. Enfin, voilà, donc... Être amoureux, c'est une oppression fantastique et existentielle, voilà, qui nous met au plus haut degré de qui on est et de qui on n'est pas en même temps. Mais moi, j'ai adoré être célibataire, j'ai adoré avoir des aventures, j'ai adoré fréquenter les bars, j'ai adoré les rencontres d'une nuit, d'une semaine, avec comme contrat tacite, mais pas que tacite, même explicite, de surtout pas d'amour. Enfin, tiens, voilà, qui est un autre moyen d'entrer en relation avec autrui. Hein, si, enfin, moi, je sais que oui, j'ai vécu une dizaine d'années comme ça, à fréquenter, à avoir des histoires, des liaisons, voilà. Et j'étais... épaté de la qualité des rencontres féminines. Des femmes qui étaient absolument libres, qui pouvaient sortir, qui pouvaient coucher une nuit dans un don, une grâce, une générosité, sans aucun pathos, n'en voulant surtout pas. Enfin, voilà. Et moi, j'ai adoré. Enfin, c'est l'autre versant amoureux qui est les aventures. Voilà, qui n'est pas l'aventure de l'amour, mais qui sont les aventures amoureuses. Voilà. Et moi, j'ai une gratitude infinie. Moi, j'entendais encore, il y a une sorte de discrédit en Occident, et notamment en France, il y a un discrédit épouvantable sur ne serait digne d'être raconté, d'être vécu que le grand amour. Mais allez vous faire foutre, parce que le grand amour, on le vit une fois, peut-être deux, trois fois dans sa vie, et tout ça, et puis ça dure une certaine période, et puis ça se termine. Et en fait, si moi je suis encore en vie, c'est parce que, enfin en vie psychiquement en tous les cas, et puis peut-être même physiquement, mais en tous les cas, c'est parce que j'ai eu j'ai rencontré beaucoup d'autres amours, comme dit Flaubert. Le cas emblématique, c'est vraiment, et j'en parle dans le livre, dans le dossier M du livre 2, là. C'est donc l'histoire de Frédéric et Madame Arnoux s'est terminée. Et alors Flaubert termine en disant il connut d'autres amours et la mélancolie des paquebots. Génial. Ah, la mélancolie des paquebots, on voit à peu près ce que ça veut dire. D'autres amours. Quels autres amours? Ce qui nous a tués, qui est généralement attribué au grand amour, ce qui nous a fait vivre, sont toutes les autres amours qu'on a eues. C'est toutes les liaisons qu'on a pu avoir, rencontrer, échanger, qu'elles ont été bien, pas bien, rigolotes, parce que c'est souvent plus rigolo qu'autre chose. Mais c'est presque un rapport éthique. Enfin, je regrette que Flaubert n'ait pas parlé des autres amours de Frédéric. Quels autres amours? Menina do anel de lua estrela, raios de sol no céu da cidade, brilho da lua, oh, noite é bem tarde, penso em você, fico com saudade. La seule chose qu'on puisse regretter, c'est les gens qui ne prennent pas le risque de vivre cette aventure-là. Ça, bien sûr qu'il y en a, bien sûr. Bien sûr, parce que ça fait peur, parce que ça met en danger ses intérêts. Et que nous sommes aussi dans une société où on nous a appris à faire plus de cas de nos intérêts que de nos abandons. Oui, il y a des gens qui se refusent absolument à mort et qui en tirent même une gloire. Enfin, une gloire au nom de la raison, au nom de. Voilà, de toute façon, c'est de la connerie, c'est que de la névrose. Enfin, les gens se frottent sur la névrose, ils s'emballent et tout. Enfin, il y a une critique de l'amour aussi, enfin, évidemment, que chacun porte en lui. Enfin, on a été aussi nourri des excès amoureux, que ça conduit toujours à la catastrophe. Enfin, voilà. Je pense qu'au niveau d'un individu, de la destinée d'un individu, c'est le moment où justement on peut inventer sa propre destinée. Non pas obéir au destin qui nous est tracé, mais inventer une destinée qui soit la sienne. Et moi, toutes mes histoires d'amour m'ont fait complètement bifurquer dans ma vie, enfin dans mes trajectoires, que ce soit même professionnelles, géographiques, enfin à chaque fois ça. Voilà, mais parce que moi j'ai. Merci à maman, j'ai beaucoup misé sur le sentiment amoureux. Ah non, une émission sur l'amour. Vous êtes amoureuse, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les gens que vous avez reçus, qui ne sont peut-être pas dans cette émotion-là nouvelle et première. Et rien. Ah non, c'est pas possible. C'est déloyal. Vous l'avez rencontré comment? Vous êtes rencontré comment? Non, attendez, oui. J'arrête deux secondes. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour au sentiment trouvé. Avec Agnès Mathieu Daudet, Nathalie Azoulay, Patrick Lapère, Grégoire Bouillet, Régis Geoffrey et Mathieu Berman. Extrait de film Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar, Le temps retrouvé de Raoul Ruiz, Les liaisons dangereuses de Stéphane Frers, Adieu Berthe de Bruno Podalides et Filles perdues et cheveux gras de Claude Duty. Recherche INA Isabelle Fort-Rendu, lecture Maël Genet et Philippe Cariou, mixage Claude Niort. C'était L'amour et les écrivains, Virginie Bloch-Léné et Clotilde Pivin. Aux pages déjà cornées. Dans un an et un jour, si personne n'est passé réclamer notre amour au sentiment trouvé, au milieu des portables et des parapluies percés, je serais bien capable de venir te chercher.